Salut à toutes et à tous et bienvenue dans En Piste les artistes, l'émission culturelle de Radio Montmirail. Je suis très content de vous retrouver pour cette émission d'En Piste les artistes. Cette semaine, nous allons rencontrer un magicien assez connu, puisqu'il s'agit de Sylvain Mirouf, un magicien que vous avez sans doute vu dans le passé à la télé, et qui sera en spectacle dans le cadre du 10e numéro de Festimagie à la Lande, le samedi 13 mai à 20h. Sylvain Mirouf, bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc vous êtes magicien, on a pu vous voir à plusieurs reprises à la télé auparavant, et on vous verra en spectacle à Toulouse dans le cadre de Festimagie à la Lande. Le spectacle s'appelle Les Trucs de Mirouf. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? C'est un spectacle où on rit beaucoup et on fait de la magie. Voilà, et on parle de... En fait, je traite de phénomènes, enfin de sujets de société par le prisme de la magie. C'est un spectacle d'humour, voilà, où on passe un bon moment. Effectivement, bah, vous savez que j'aime bien chercher, inventer des trucs et montrer mes trouvailles au public, et puis les présenter toujours sur des thématiques de sujets de société qui nous concernent tous. Et alors justement, comment est-ce que l'on fait pour parler de sujets de société avec des numéros de magie ? Tout simplement parce que les numéros de magie illustrent parfaitement les sujets de société. En magie, il y a beaucoup de tours qui existent, mais qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire, qui ne racontent rien. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils racontent quelque chose. C'est-à-dire leur donner du sens, tout simplement. On voit que vous essayez de transmettre un petit peu vos connaissances magiques. Est-ce que pour vous, ça a toujours été une évidence en tant que magicien de vouloir transmettre à d'autres magiciens ? Sans transmission, il n'y a plus de magicien. Tous les métiers, toutes les professions, toutes les disciplines artistiques, elles passent par la transmission. Alors, il y a la part d'initiation, c'est celle que je partage avec le grand public. Et puis après, il y a la part, on va dire, plus spécifique, que je partage avec les passionnés de magie. Puis il y a la part que je garde pour moi, qui est la part artistique, qui elle fait partie de mon répertoire. Il y a une grosse différence, mais si vous voulez, c'est une profession où les consommateurs de magie se considèrent comme magiciens, mais c'est pas parce qu'on achète un livre sur la médecine qu'on est médecin. Pareil pour la magie. Donc en fait, il y a une distinction entre consommateurs de magie et magiciens. Dans un cas, c'est les passionnés, les amateurs, les gens qui adorent ça. Et puis dans l'autre, c'est ceux qui ont compris qu'il faut mêler du sens et de l'émotion pour en faire quelque chose d'artistique. Votre spectacle, est-ce que l'on peut dire que c'est vraiment un spectacle tout public ou ça s'adresse plus à des enfants ? Parce qu'on a souvent tendance à réduire la magie à des spectacles pour enfants. Alors, c'est vrai que mon spectacle, il est tout public, mais il n'est pas pour enfants. Bon, des enfants de 9-10 ans peuvent y assister sans problème et ils prendront beaucoup de plaisir, c'est pas la question. Mais c'est plutôt un spectacle, oui, tout public, mais plutôt pour les adultes, c'est pas un spectacle pour les enfants. J'aimerais revenir un petit peu également sur votre parcours de magicien à la télévision, parce qu'on vous a beaucoup vu. Est-ce que c'est pas une pratique de la magie un petit peu particulière, la magie à la télévision ? Ah bah c'est un autre métier, oui. C'est un autre métier, c'est-à-dire que la télévision, il y a plein, on pourrait en parler des heures, mais bon, parlons du principe que c'est une caméra avec un œil fixe, et que l'un des principes de la magie, c'est le détournement d'attention. Un peu comme en politique. Mais sauf que là, c'est en magie, bon, on ne peut pas détourner l'attention d'un œil fixe, d'un œil de caméra. Donc, du coup, on doit utiliser des techniques qui sont spécifiques à la télévision. De la même manière, certains effets sont très spectaculaires, mais le téléspectateur peut toujours penser à un trucage de circonstances. Donc, il faut toujours essayer de présenter des effets qu'on ne peut pas mettre en doute par le biais de la télé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Et il y a des effets qui ne marchent pas à la télé. Il y a plein de thématiques, de tours qui ne fonctionnent pas, on n'y croit pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un autre métier, la magie à la télé, pour moi. Et justement, qu'est-ce que ça fait pour un magicien ? Alors, même si on sait que vous avez l'habitude de la scène, vous y produisez quand même fréquemment. Pour vous, justement, de passer de la télé à la scène, qu'est-ce que ça change vraiment pour vous en tant que magicien ? C'est l'inverse. Je suis passé de la scène à la télé. Oui, pardonnez-moi. Je suis de la scène depuis l'âge de 11 ans. Donc, je suis passé de la scène à la télé. Voilà, mais j'ai pas arrêté la scène parce que j'ai fait de la télé, j'ai continué à faire mon métier d'artiste sur scène. La seule chose qui était un petit peu différente, c'est que à la télé, métier, voilà, on dépend du, comment dirais-je, d'un cadre qui, et donc il faut se plier aux exigences de, des horaires, du programme, de, voilà, bon, il y a des contraintes. Disons que ça me permet d'être, d'avoir un regard beaucoup plus doux avec les gens qui passent à la télé, parce que je sais que c'est un exercice qui est très difficile, et que la réussite d'un tour de magie dépend exclusivement du réalisateur. Donc, oui. Si le réalisateur il est à l'écoute, bah, c'est génial, parce que du coup, on peut mettre en valeur le tour. Et si le réalisateur ne sait pas filmer la magie, bah, il peut massacrer 10 ans de travail avec juste un mauvais plan. Et puis, il y a aussi le lien au spectateur qui n'est évidemment pas le même, pour le coup. Bien sûr, bah, on perd toujours 50% de l'émotion. C'est comme un sketch d'humour pur. Hein. Si vous allez voir un one-man show en live, vous allez rire. Vous voyez le même sketch à la télé, vous rirez peut-être pas forcément de la même manière. Alors une petite question qui est la petite tradition de l'émission. Nous demandons toujours à notre invité de choisir la chanson de fin de notre émission. Alors ça peut être une chanson que vous aimez bien ou tout simplement une chanson qui vous passe par la tête comme ça au hasard. Alors une chanson qui me passe par la tête, il y en a plein. J'aurais choisi Cabrel. J'aime bien Cabrel. À l'encre de tes yeux, je connais pas les titres des chansons, mais je la trouve très très belle cette chanson. Si c'est une chanson, bien sûr. Oui. Sinon, Rock on the Bay d'Otis Redding. Voilà. D'accord, parfait. Bah, nous chercherons et ça. Sinon, Fly Me to the Moon de Sinatra. Voilà. D'accord, bah, c'est parfait. Je vous laisse choisir. On essaiera de trouver tout ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Sylvain Mirouf. Nous rappelons que tout le monde peut venir vous voir donc, lors de votre spectacle Les Trucs de Mirouf, lors du Festimagie à la Lande. Merci beaucoup. Voilà, et puis, oui. Et si vous voulez passer un bon moment et rire, ben, voilà, vraiment, si vous ne riez pas, vous êtes remboursé. Voilà, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est... Je vous embrasse. Merci beaucoup, Sylvain Mirouf. Merci, au revoir. Emmanuel, au revoir. Je vous rappelle donc que le spectacle de Sylvain Mirouf aura lieu le samedi 13 mai 2017 à 20h au Centre socio-culturel de la Lande. N'hésitez pas à réserver, il reste encore des places. Cet événement est organisé en partenariat avec les Fourrires de Toulouse. La semaine suivante, le vendredi 19 mai à 21h, aura lieu le premier Bouillon de Magie, qui est une sorte de scène ouverte aux magiciens amateurs et professionnels de la région. Et je peux même vous dire que vous aurez l'occasion d'y voir votre humble serviteur, puisque je serai sur scène incarnant un personnage nommé Jean-Michel Fourtou. Donc n'hésitez pas à venir. Nous en parlerons également la semaine prochaine dans l'émission avec Laurent Bastide, qui fait partie de l'équipe d'organisation, et Jonathan qui s'occupe d'une association qui sera bénéficiaire des recettes de cette soirée. Cette semaine, je voulais vous parler de la pièce « Noces de sang » de Federico Garcia Lorca, qui est une pièce qui me tient particulièrement à cœur, que j'aime beaucoup, que je trouve très belle. Tout d'abord, il faut savoir, par rapport à l'écriture de Garcia Lorca, que c'est une écriture qui est très imagée. Par exemple, on va avoir des personnages comme la lune, par exemple, qui vont parler, qui sont des personnages à part entière dans la pièce. Je vais commencer par vous lire un petit extrait de ce que dit justement la lune. « Je suis le signe rond sur l'onde, l'œil au-dessus des cathédrales, l'aube feinte sur les feuilles. Ils ne pourront pas s'échapper. Qui se cache ? Qui sanglote dans les épines de la vallée ? C'est la lune qui suspend dans l'air, à l'abandon un grand couteau, gai de plomb, chemin faisant, va devenir douleur et sang. Ouvrez-moi, je gèle sur les miroirs et sur les murs. Ouvrez les toits puis les poitrines, que je plonge pour avoir chaud. J'ai froid, mes cendres grises de somnolents métaux cherchent par mont et par veau la crête d'un feu qui brûle. Pourtant la neige me porte sur ses épaules changeantes et l'eau des étangs me noie, dure et glaciale à la fois. Mais j'aurai cette nuit les joues rouges de sang et les joncs suivent ensemble le grand pas que fait le vent. Pas d'ombre ni de refuge, où disparaître, où s'échapper. Je veux ouvrir une poitrine pour avoir enfin chaud, un cœur tout à moi, brûlant et qui déborde des courbes de mes seins la horde. Ouvrez-moi, allez, ouvrez! Je ne veux pas d'ombre, Mes rayons doivent tout pénétrer, et jusque dans les troncs noirs, mes clartés relèvent le soir, pour que cette nuit mes joues jouissent d'un sang très doux et des joncs qui se rassemblent dans le grand pas que fait le vent. Qui se cache ? Dehors, j'ai dit. Non, ils ne pourront pas s'échapper. Je ferai briller leur cheval d'une fièvre de diamant. Donc comme je vous le disais, c'est une écriture qui est très imagée, très poétique. C'est pour ça que quand on lit la version française, c'est presque un petit peu décevant par rapport à la version originale. Il est très compliqué de traduire tout en gardant l'aspect poétique de la langue originale et en gardant également les images créées par Garcia Lorca. Pour vous parler vite fait de la pièce, il s'agit d'une histoire d'amour. Au début, il y a un mariage entre deux personnes. Et il va y avoir un nouveau personnage qui va arriver, qui va un petit peu semer le trouble dans la fête. Ce personnage, c'est Léonard, qui est l'ancien fiancé de la jeune femme qui doit se marier. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite vraiment à lire cette pièce, une très très belle pièce de Federico Garcia Lorca, publiée aux éditions L'Arche. Chers amis en piste les artistes, c'est fini, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler un petit peu plus du bouillon de magie. Je dois cependant vous informer qu'il s'agira sans doute de la dernière émission de la saison, mais nous nous retrouverons dès la rentrée avec Clément et moi, toujours pour animer cette émission en piste les artistes. Pour cette émission, je souhaite bien entendu remercier Sylvain Mirouf, qui nous a accordé cette interview. Je vous rappelle à aller voir samedi... dans le cadre de Festimagie à la Lande à 20h. Et puis, bien entendu, toute l'équipe de Radio Montmirail, toute l'équipe de Festimagie à la Lande qui m'a permis de réaliser cette émission, et bien entendu, vous qui l'écoutez. Je vous laisse en compagnie de la chanson qui a été choisie par Sylvain Mirouf, et je vous dis à la semaine prochaine. On ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.